La poésie philosophique et religieuse chez les persans d'après le Mantique Utahir, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar. Les oiseaux emblèmes de l'homme. Attar va s'occuper actuellement des personnages de son poème, c'est-à-dire de ces oiseaux emblèmes de l'homme, offrant comme lui un funeste mélange de vertu et de vice. Avant tout, il met en scène les principaux acteurs de son drame. La huppe, la bergeronnette, la perruche, la perdrix, le faucon sauvage et le faucon privé, la caille, le rossignol, le paon, le faisan, la tourterelle, la colombe. Il les interpelle, il les engage à renoncer à leur passion dominante et à s'occuper de la seule chose nécessaire, confère Luc 10, 42. Six de ces oiseaux figurent dans l'ouvrage de Mukadesi, c'est à savoir, la huppe, la perruche, le faucon de chasse, le rossignol, le paon, la colombe. Nous verrons ensuite paraître dans le Mantique deux autres oiseaux mentionnés aussi dans Mukadesi, le canard et le hibou. La chauve-souris, Kafach, cet oiseau, si toutefois on peut lui donner ce nom, qui est l'objet d'une des allégories les plus remarquables de Mukadesi, est aussi dans le Mantique le sujet d'une intéressante parabole. Privée de la vue du soleil, elle veut aller à sa recherche, mais, pareil à l'homme qui n'a pour guide que les incertitudes de la philosophie humaine, elle s'égare dans sa route, elle perd ses ailes, son corps se dissout, son âme s'anéantit, et elle ne peut parvenir à l'objet de sa recherche. Enfin, Attar introduit encore, plus loin de nouveaux oiseaux, qui ne sont cités ni ici, ni dans Mukadesi, ce sont le humaï et le héron. Trois oiseaux mis en scène dans Mukadesi ne sont pas mentionnés par Attar. Ce sont l'hirondelle, le coq et le corbeau. Ceux qui prennent nominalement part au langage des oiseaux sont donc au nombre de 16. Dans une jolie vignette, d'une admirable exactitude de dessin, qui orne un manuscrit illustré de Monsieur Nathaniel Bland, on trouve la représentation de 11 oiseaux du Mantique, et on reconnaît facilement dans ces figures la huppe, la bergeronnette, deux perruches, la perdrix, la caille, le rossignol, le paon, le faisan, le canard et le héron. Attar s'adresse d'abord à la huppe, il lui rappelle qu'elle a été le guide de Salomon auprès de la reine Balkis à Saba, qu'elle a tenu avec lui un langage d'oiseau, Mantique Utahir, par allusion au titre du poème que j'analyse, et à la connaissance qu'attribue le Coran à Salomon du langage des oiseaux, qu'elle a été sa confidente, qu'elle a mérité par là la couronne qui orne sa tête, qu'ainsi elle doit plus que tout autre oiseau tenir dans les fers le démon qui voudrait la détourner de la voie spirituelle. Puis vient la bergeronnette, dont le nom persan, Musisha, qui semble signifier petit Moïse, donne à Attar l'occasion de rappeler ce prophète législateur et de faire un jeu de mots avec le chalumeau, en persan Musichar, qui rappelle le chant de la bergeronnette. La perruche, Tuti, arrive à son tour avec sa belle robe verte, qui, selon Attar, rappelle le ciel, et son collier rouge comme le feu de l'enfer. Les persans disent que le ciel est vert, il leur paraît avoir cette nuance par un effet particulier d'optique. Attar fait peut-être aussi allusion à la couleur des vêtements des habitants du paradis. Le poète interpelle ensuite la perdrix, Kapk, qui, dit-il, se balance gracieusement dans sa marche sur la montagne de la connaissance spirituelle. Il l'engage à frapper à la porte de Dieu après avoir abaissé la montagne de ses inclinations vicieuses. Attar se tourne ensuite vers le faucon royal, qu'il nomme Negbaz ou Bon Faucon, c'est-à-dire le faucon libre, et qu'il distingue du faucon dressé pour la chasse, oiseau qu'il mentionne plus bas et qu'il nomme simplement Baz. Il lui demande jusqu'à quand il sera violent et brutal. Il l'engage à attacher à sa patte, au lieu du cordon de l'esclavage, le billet de l'amour éternel de Dieu, et de ne l'en détacher jamais. Le poète recommande enfin au faucon d'entrer dans la caverne de l'unité pour y rencontrer le plus éminent des hommes, c'est-à-dire Mahomet. Ce dernier avis a rapport à une circonstance de la fuite, ou hégire, du faux prophète de la Mecque à Médine. Mahomet fut en effet obligé de se réfugier dans une grotte avec son beau-père, Abu Bekr, circonstance que l'imagination orientale a embellie d'accessoires merveilleux pareils à ceux d'une aventure semblable arrivée à Saint-Félix de Nol. Vient maintenant la caille, dont le nom persan, Daraj, amène un jeu de mots avec l'ascension ou mirage de Mahomet. Attar engage cet oiseau à faire périr son âme concupiscente, qu'il compare à l'âne qui servit de monture à Jésus, afin de trouver l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Christ ou le Messie, car Mahomet, dans le Coran, comme Tertullien dans son apologétique, donne alternativement au Sauveur les deux noms d'Esprit de Dieu et de Verbe de Dieu. Attar s'adresse actuellement au rossignol, à l'oiseau de l'amour, dont le gosier harmonieux rivalise avec celui de David, prophète et roi, célèbre, dit le poète, par la composition et le chant des psaumes. Il l'engage à exciter les hommes à entrer dans la voie spirituelle, assez longtemps, lui dit-il, tu as tissé, à l'imitation de David, une cotte de maille pour ton âme vile. Aujourd'hui rend, à son exemple, le fer de ton cœur mou comme de la cire, et devient aussi fervent que ce prince. Les deux vers dont je viens de donner la traduction rappellent une légende rabbinico-musulmane à laquelle il a été déjà fait allusion plus haut. Légende d'après laquelle David s'occupait à faire des cuirasses dont le fer s'amollissait miraculeusement sous ses doigts. Les saints personnages, quelque élevée qu'ait été leur dignité, disent les musulmans, se sont fait un devoir de vivre du travail de leurs mains. Selon eux, David faisait des cuirasses et Salomon des corbeilles d'osier. On sait, au surplus, que saint Paul, qui aurait pu se passer de travailler, employait ses moments de loisir à faire des tentes. On rossignole succède le pan. La locution d'Attar roule encore sur une légende rabbinico-musulmane, d'après laquelle ce serait le pan qui aurait introduit dans le paradis terrestre à 8 portes, Satan sous la forme d'un serpent à 7 têtes. Mukadesi, dans l'allégorie du pan, fait aussi allusion à la même légende. Attar dit, comme Mukadesi, que la compagnie du serpent a fait sortir le pan de l'Éden et l'a privé du sidra et du tuba, les deux arbres du paradis. Il engage le noble oiseau à tuer ce serpent immonde, pour avoir part au secret spirituel et rentrer avec Adam dans le paradis. Le faisant, Tazarv, qui se distingue par sa vue pénétrante, reçoit d'Attar le reproche d'être resté dans un puits ténébreux en proie à l'incertitude. Le poète l'excite à sortir comme Joseph de la prison de ce puits, afin de devenir roi dans l'Égypte du bonheur. Attar blâme aussi la tourterelle, Kumri, de languir dans un étroit cachot, comme Jonas dans le ventre de la baleine. Il l'engage à couper la tête de ce poisson, Maï, du mauvais vouloir, afin de pouvoir toucher de son front la lune, Ma. Si la tourterelle, ajoute-t-il, se sauve du poisson de sa propre âme, elle partagera le bonheur de Jonas. Attar s'adresse ensuite à la colombe, Fakita. Il lui demande de roucouler gracieusement, afin qu'il répande sur elle les perles brillantes de son éloquence. Il lui dit que puisque son cou est orné du collier de la fidélité, il ne lui suffirait pas d'agir avec déloyauté. Il l'engage à entrer dans le chemin du sens spirituel, l'assurant que Khizr, le prophète Élie, lui apportera l'eau de la vie. Enfin Attar interpelle le faucon dressé pour la chasse. Son état de domesticité lui fournit la matière d'une double allusion, d'abord à la soumission dans laquelle il doit être envers Dieu, et, en second lieu, au détachement qu'il doit avoir pour le monde, qu'Attar compare avec mépris à un animal mort. Il termine en prêchant, d'après son usage, l'indifférence à la religion positive. Il recommande au faucon de laisser à la fois le monde présent et le monde futur, d'ôter son chaperon et de regarder librement, pour mériter de reposer sur la main d'Alexandre, que les musulmans considèrent comme un roi missionnaire qui étendit par ses armes le vrai culte de Dieu. Cette indifférence religieuse pour tout autre dogme qui n'est pas l'unité divine, tient au surplus à l'essence de l'islamisme. Les musulmans sont tolérants pour tout le reste, ils parlent avec autant de respect de Zoroastre et de Brahma, de Luqman et d'Alexandre le Grand, que des personnages sacrés de la Bible. C'est ainsi que les musulmans de l'Inde rendent un culte égal à leurs saints Muinuddin et Masugazi, et aux saints hindous Kabir et Ramanan. L'auteur du Dabistan cite un soufi indien, Sabjani, qui faisait avec autant de ferveur le puja, adoration, et le dandawat, prosternation, dans les pagodes, que les prières musulmanes dans les mosquées. Nous avons vu du reste à Paris, il y a une trentaine d'années, un brahman célèbre fréquenter indifféremment l'église catholique ou protestante et la synagogue. Attar termine cette revue des principaux acteurs de son drame par une espèce de calembour, qui doit charmer sans doute les lecteurs persans. Il s'adresse à l'oiseau doré, mais cette expression est figurée et signifie le soleil. Consume par ta chaleur, lui dit-il, tout ce qui est créé, jusqu'à l'essence de l'âme, afin qu'il n'y ait plus pour toi d'existence distincte de Dieu. Alors, dès que tu auras connu les secrets divins et que tu seras devenu un oiseau parfait, tu n'existeras plus toi-même, mais Dieu seul restera. C'est par ce trait panthéiste qu'Attar termine ce qu'on peut appeler son premier chant. Markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.